Amis aventuriers, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de Krolanta, votre podcast hebdomadaire autour de l'univers de Koh-Lanta. Et bien sûr, autour de la table aujourd'hui, Lucas. Salut Lucas, ça va? Salut à tous les amis, c'est Lucas. Ouais, ça va, tranquille. Et Louis, ça va Louis? Ouais, grave. Tu t'es remis de ta tourista coréenne? Oh putain, ouais, mais pas encore trop du décalage horaire, mais c'est parce que je suis un fragile. Hein. Allez, on est à donc ce soir. Ah, putain, tu serais pas bon à faire Koh-Lanta, toi. Parce que, comme si quelqu'un en doutait. Le snob, le mec, tu sais. Ouais. Ouais, cette nuit, j'aurais bien pu dormir, mais bon, le décalage horaire... Allez, au programme de l'émission aujourd'hui, des binômes, des sauts percés, des piqûres de scorpions, des labyrinthes, des tentatives de fausses stratégies, des colliers, mais bien sûr, avant tout, la minute du résumé aujourd'hui présentée par Lucas. Et ouais. Est-ce que t'es chaud patate? Ouais, alors à un moment je vais dire impro, ça voudrait dire qu'à partir de là je ne sais plus ce que je dis et que c'est complètement improvisé. Pas mal. D'accord, ouais. Alors attention, on vous rappelle notre nouveau sponsor chronomètre-enligne.com. Et tu me dis quand c'est prêt, je te donne ton top. Eh ben je suis prêt. Eh ben attention, top. À la machette. Ok, je me souviens pas du début, mais c'est à ce moment-là que je passe l'émission en vitesse 1.25 parce que je trouve ça très très chiant. On arrive ensuite à l'épreuve de confort, qui est une espèce d'épreuve à la Fort Boyard. Avant cette épreuve de confort, Denis nous explique que les candidats vont être réunis en binôme, et qu'à la fin, ça sera un binôme qui partira, un binôme qui remportera l'épreuve de confort, et un binôme qui partira à la fin du conseil. Donc cette épreuve, c'est un truc avec des pots troués, un peu comme dans Fort Boyard. Ils doivent se jeter de l'eau d'un seau à l'autre, et ensuite le mettre dans un bambou. Le premier à remplir le bambou remporte l'épreuve. C'est une victoire de Sébéclair. Ah oui, c'est vrai. C'est une victoire de Sébéclair qui vont pouvoir partir découvrir le mystère des crabes aux pinces bleues. Tandis que Clem est en train de lancer son saut et essaye de rivaliser avec le lancer de cailloux de Mundir plusieurs saisons précédentes. Fait incroyable pendant la visite des pêcheurs, Claire a appris à dire merci en cambodgien. Elle arrive juste à dire merci. Sur le camp, il se passe pas grand chose. Des gens essayent de trouver le collier. Top. Oh putain, vache. Ouais. Oh ouais, ouais, dur, hein. Il avance pas. Ouais, c'était pas vrai. Et j'ai préparé ça à l'arrache, on va dire. Oui, c'est vrai. Ça se sent. Mais c'était le but de la minute, normalement. C'était que des fois, on se fasse couper. Ouais, mais tu vois, ça donne un peu de fraîcheur quand Louis nous prépare un truc assez virevoltant. Ouais, si j'avais su, je l'aurais fait, mais j'ai complètement oublié que c'était mon tour. Mais si vous voulez, je vous en fais une bien la semaine prochaine. Je m'y engage, je la fais la semaine prochaine et elle est bien. Ok. Allez, c'est parti. Allez. Allez, on passe au grand sujet. Alors, le grand sujet du jour, évidemment. C'est l'utilisation, l'introduction des binômes dans l'épisode, oui. Et tout le long de l'épisode. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces binômes? Alors déjà, Denis annonce qu'ils vont passer les prochaines épreuves ensemble. Et on se retrouve avec, alors, j'ai même pas noté les binômes, mais il y a Vincent Mathilde, comme t'as dit, Seb Clair, on dirait un nom de super-héros pourrave. Kelly Corentin, Kelly Corentin et Clem Fredo. Yes. Donc vraiment, alors moi déjà quand Clem et Fredo se sont retrouvés ensemble par hasard, hein, tirage homme puis tirage femme, j'ai explosé de rire puisque Clem a dit ah bah oui moi je l'aime bien Frédéric, c'est mon pote et tout. J'étais mais quelle grosse connasse. Ouais mais Fred il a dit qu'il l'aimait bien aussi. Ouais, mais alors moi ça commence à piquer. Mais c'est normal, tu l'as obligé mon gars. C'est normal parce mais que oui, y a le... bien sûr. Après il a dit j'ai peur de me faire engueuler plus tard, il a dit dans l'émission. Voilà, je veux rien dire. Elle a la main mise sur l'émission, mon gars. C'est terrible. C'est la dictature. C'est la gangrène, cette meuf. Laisse tomber, putain, le monstre, quoi. La pieuvre. Donc bon, déjà se dégagent des binômes qui peuvent plus ou moins fonctionner. Comme on s'attendait à ce que Mathilde et Vincent, ça fonctionne plutôt bien. Ah ouais, évidemment. On s'est dit, voilà, le titan, la bonne nageuse, il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, l'épreuve, vous me rappelez l'épreuve? Donc ils sont séparés, donc t'as les hommes qui devaient aller chercher de l'eau dans la mer avec un pot, avec un seau, mais qui est troué, donc il y a de l'eau qui coule. Ensuite, il y a genre 5 mètres qui séparent l'endroit où les hommes doivent s'arrêter et l'endroit où les filles doivent s'arrêter. Là, ils doivent jeter la flotte de leur seau, c'est des filles qui doivent la rattraper, pour aller ensuite la déverser dans un bambou. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et si le bambou est assez rempli, au bout d'un moment, il bascule. Ouais. Et on considère que quelqu'un a gagné. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était laborieux à regarder. Enfin, c'était inintéressant. Ouais, ouais, c'était pas très intéressant. Ouais. Bah, en fait, il y avait, oui, c'était, je trouve que c'était très mal monté parce qu'il n'y avait aucune tension. Bah, ouais. Dans l'épreuve, quoi. Et surtout, en vrai, c'était la même chose qui se répétait. Et en soi, enfin, je veux dire, c'est vraiment dur à maîtriser, tu vois. Enfin, je veux dire, à part si tu trouves une technique de ouf qui permet de lancer de l'eau d'un saut à un autre. Mais c'était vraiment genre, bah ouais, t'as bien lancé ou t'as mal lancé. Surtout, mais bon, même en voyant le truc, on n'arrivait déjà pas à différencier s'il y avait beaucoup d'eau ou pas qui était rentrée dans le saut. Dedans ou pas. Il y avait juste la fille dans le cala où ça réussissait qui criait, ouais, super, tu referas comme ça. Et bah, les sauts étaient troués, hein, faut le rappeler. Bah oui, mais même en regardant, tu vois. Je sais pas si pour les meufs ils étaient troués pour le coup, je me souviens plus. Non, pour les meufs. Non, que pour les mecs. Alors, bah, ça a été l'occasion de voir des petites engueulades. En fait, on est à 8 minutes d'émission et Clémentine est en train de hurler n'arrête pas de hurler. Enfin oui, tout le monde a envie encore de la tuer, quoi. Je sais pas. Alors qu'elle est en tort, en même plus, Denis Brunner, si moi, ça m'étonnerait pas qu'il chope une machette et qu'il lui coupe un bras, tu vois. Dise, mais la prochaine fois, c'est la tête. Parce qu'en gros, du coup, la technique pour y arriver le mieux possible, c'était de se synchroniser entre garçons et filles pour que les garçons n'aient pas à attendre avec le seau qui se vide puisqu'il est troué. Ouais. Et donc, du coup, Fred disait à Clémentine, bouge ton cul, faut pas que j'attende. Et je vais très bien, ne t'occupe pas de moi, je y arrive très bien, merci Fredo pour tes conseils, nanana, fais ton truc. Lui, il fait son truc, il dit d'accord, très bien, il fait son truc, il arrive, elle est pas là. Elle pourra ça, excuse-moi, oui, bon, là, c'est ma faute. Enfin, genre vraiment, insupportable. Horrible. Bon, voilà. Chute! Mathilde, Vincent, ça marche pas sur cette épreuve? Non, pas du tout. Bah, Vincent, en vrai, il arrive pas à lancer. Vincent arrive pas à lancer le truc. Et ouais, puis, mais ça va, il y a Corentin, donc, ouais, toi, voilà. tu passeras jamais pour le mec le plus débile du monde, tant que Corentin est là. Qu'il est bête. Oh, bon, là, donc là, en disant ça, on assume qu'on ne l'aura plus jamais en invité. Bah, il est gentil, mais franchement, il était pas bien malin, quoi. Tu dis ça de tous les candidats. Non, d'accord, Seb, non. Non, mais là, Corentin m'est casté. Moi, pourtant, j'étais team Corentin, mais à cet épisode, vraiment, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut être aussi bête? Enfin, c'était vraiment genre... Oh. Non, mais lui particulièrement, tu vois, si on faisait un royaume de tous les candidats où Lucas a dit il était gentil, mais il était pas très malin, vraiment... Ah, ça serait le roi, vraiment, ouais. Tu vois, Et, tout... et la reine, ça serait celle de la saison précédente qui chantait, là. Ah ouais, Julie, voilà, c'est ça. Julie, ouais. Non, il y a Kelly aussi, hein. Ah, Kelly, elle est pas si bête. Non, pas Kelly d'ici. Non, comment elle s'appelle, la meuf qui est avec Pascal, là? Ah, Wendy. Oh là, ouais. Bah, non, mais Wendy, c'est la reine. Non, ouais, yes. Non, Wendy, elle est tellement conne qu'elle fait le ménage au château, tu vois, ils ont réussi. Elle a baisé la hiérarchie, elle, quand même. Ils n'ont rien à en faire, tu vois, ils sont là. Bon, il se trouve que Claire et Sébastien s'en sortent vraiment bien et que c'est sans surprise Claire et Sébastien. Ça fait un peu, j'ai envie de les appeler Belle et Sébastien parce que c'est. Ah, ouais, c'est vrai. Mais ils s'en sortent bien et ouais, ils vraiment, remportent ouais. le confort. La joie de Claire qui fait plaisir à voir à chaque fois. Elle a vraiment. Deuxième victoire d'affilée pour Claire. Ouais. En individuel et pas quatrième en tout, c'est pas ce qu'il a dit. Elle avait gagné l'épreuve de la bouffe avec la feinte de Sandro. Ouais. Ah oui, et non, la quatrième c'est après, désolé. Ouais. Spoil, mais bon, c'est pas grave. Et là, ouais, il y a le petit excès de colère de Clémentine, enfin, petit, l'énorme excès de colère de Clémentine qui jette son seau dans le sac. Enfin, c'est ridicule, vraiment, c'est. Et après, elle vient s'asseoir à côté de Fred et. Enfin, les folles alliées. Tu sens qu'il est dans un genre de damage control ultime, ouais. Il sait pas quoi dire, quoi, il essaie de dire un truc et. Ah ouais, moi je le supporte pas, vraiment, Non, il y a 100 ans, il l'aurait foutu dans un bain à 120 volts en disant faut la guérir, tu vois. Enfin, avec des glaçons. ouais, tu m'étonnes, ouais. Pieds et poings liés, quoi, une cinglée. Ouais, c'est chaud. Hein. Et elle a. Bon, on en parlera après, mais il n'y a pas que ça. Mais il y a eu plein de trucs dans l'épisode vraiment scandaleux qu'elle a dit et qu'elle a fait que moi je peux plus, quoi. Ouais. Enfin, dans le point d'arrivée, là, je vais. C'est un bon moment de radio, ça. La pêche au crabe. Ils s'en vont donc visiter le marché des crabes, c'est ça, le marché aux crabes, pour voir les crabes yes. Bleus. Ouais. Trop alors beau. Moi j'ai pas vu d'où ils étaient bleus. Mais... Quoi, t'as si, pas les vu pinces. Ah ouais, les pinces, les pinces, les pinces. Ah, j'ai pinces, pas fait ouais. Gaffe. Alors en vrai, je pense que tu cherches sur Google Images, il y a les mecs qui augmentent la saturation pour que ça soit vraiment bleu. C'était bleuté, tu vois, mais c'était ouais, ça doit avait être stylé. Son petit charme. Ouais, c'est, vraiment, c'était stylé, ouais. Ouais. Ça a beaucoup plu à Seb, qui a dit « Je veux le plus bleu !» Bon, c'était sympa, ce petit moment. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Mignon, c'était ouais. peut-être le moment le plus sympa de l'émission, d'ailleurs. Ouais, bah, c'était moins gênant que Sandro et Claire qui faisaient semblant d'être gentils l'un avec l'autre, alors qu'ils en avaient rien à foutre et qu'ils pensaient tous les deux en boucle « manger. » Bah, surtout que les deux, là, Sébastien et Claire, s'étaient retrouvés avec Vincent dans les trois qui étaient arrivés un peu après, donc ils s'étaient retrouvés un peu... Ouais, grave. Oui, ouais. Oui, il y a une complicité entre les deux, c'est sûr. Donc, ouais, c'est moment plutôt sympa de l'émission, je trouve. Ouais, ils après, ce que je regrette un peu, c'est que... En fait, je vois pas... Enfin, nous montrer des mecs qui disent « poule, vache », parce qu'ils essaient de communiquer. En fait, on s'en fout, tu vois. En vrai, on en a rien à foutre des Cambodgiens, tu vois. Quitte à... Moi, j'aimerais bien qu'ils nous montrent un peu les discussions de Claire et Seb quand ils sont ensemble, de quoi ils parlent et tout ça, tu vois. Et voir des mecs qui n'arrivent pas à communiquer, bon, c'est rigolo deux fois, mais là, j'en ai un peu marre de ça. Ouais, c'est pas Pékin Express, quoi. Non, exactement. C'était quand même l'occasion de voir que les mecs, ils bouffaient avec le chien et le chat sur la table comme des princes. Et vraiment, c'était trop drôle, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, il était super beau, le chien. Et je me suis dit, putain, mais quel roi, quoi. Après, je pense que c'est eux qui ont une meilleure accueil. Enfin, les meufs, tu sentais qu'elles étaient genre trop contentes ouais, de montrer... Là, la meuf avec la canne à sucre, mais vraiment, elle s'enjaillait de ouf. Ils ont mangé du poivre aussi. Il y a Claire qui s'est intoxiquée autrement. Non, c'était chouette, en vrai. Non, c'était sympa. C'était feel good, effectivement. Pour une fois. Puis il y avait pas cette espèce de mensonge, tu sais, ouais. Très terroir. Là, c'était vraiment, bah, il y avait des chaises en plastique posées à côté du porc et ils bouffaient des trucs, quoi, des ouais. petites brochettes. C'était pas le mensonge de l'espèce de terroir, ouais, ultra à l'ancienne et ultra vieux, quoi. Je trouvais ça cool. Après, je me souviens plus ce qui se passe trop sur le camp à ce moment-là. Bah, ça commence, tu sens que les binômes, ils sont pas sereins, quoi. Personne n'est serein, en fait, à part peut-être Fred. Bah, pas trop, parce qu'on se rend compte que... Ou alors c'est après qu'on voit le... Bah, Fred, il vient de se taper la crise d'hystérie, déjà, hein, donc il dit quand même ça ouais, va être compliqué de travailler avec machine. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Bah, et puis, c'est à ce moment-là, je crois qu'on la voit, elle parle avec Kelly, et elle commence à... Justement, c'est peut-être bien, la première chose qu'on voit, c'est que Clem est en train d'en parler avec Kelly, en disant, bon, bah, Kelly, ça pue pour toi, quand même, parce que t'es avec Corentin. Mais ça me fait chier, parce que moi je préférais que ce soit Mathilde qui parte. Ouais. Et puis là, elle commence à bitcher Mathilde, en mode ouais, elle fait genre qu'elle sait tout, nanana. Enfin, vraiment, tu te dis, mais la meuf, si on devait faire le résumé de tous les gens avec qui elle a eu des problèmes, on n'aurait pas fini. Elle a eu des problèmes avec tous les gens dans l'émission, ouais, tu vois. C'est le moment où il faut commencer à se poser des questions sur soi-même. À se poser des questions, ouais, tu m'étonnes, c'est ça. Enfin, quelle langue de. Mathilde, elle est vraiment chill, hein. Je pense pas que ça soit une casse-couille, quoi. C'est ce que me disait ma daronne quand même, petit moment famille. Elle me dit, bah, tu l'aimes vraiment pas, Clémentine. Je fais, bah, non. Évidemment que je ne l'aime pas. Tout le monde la déteste. Elle est moche. Elle est insupportable. À un moment, je me suis dit que, voilà, c'était peut-être, on n'envoyait que les mauvais côtés, et que c'était, tu vois, enfin, qu'effectivement, peut-être qu'à un moment, Koh Lanta, c'était pas forcément facile et que ça pouvait révéler des mauvais côtés de toi. Mais là, je pense qu'elle est vraiment comme pareil dans la vie, tu vois, enfin. Tu veux dire comme Yves? Mais tu vois, Yves, limite, je pense que c'est quelqu'un de chouette dans la vie, tu vois, ça se trouve, en fait. Il y a rien qui soit chouette. Alors que Clem, c'est sûr que c'est une connasse. Vraiment, il y a pas de, c'est pas possible. Je veux dire, tu peux pas te créer des problèmes tout le temps en permanence comme ça avec tout le monde pour la moindre chose, enfin, c'était pas une connasse, quoi. Tu sais, c'est la meuf, elle doit être relou avec les serveurs au restaurant, tu vois. Ouais, obligé. L'assiette, elle est pas chaude, là? Ouais, c'est ça. Oh là là. Oh là là. Pourquoi mon assiette elle est pas chaude? Mais le plat ça va madame. Ouais mais l'assiette elle est pas chaude. Bon bref. Donc ils sont sur le camp, ils font leur machin, ils sont entre binômes. Honnêtement, ouais je vais vous dire, je ne me souviens vraiment pas de ce moment là puisqu'il n'y avait absolument rien d'intéressant dans cette période, ce moment de l'épisode. Bah si, il y a quand même tout le monde qui commence à se dire, enfin tu vois, plus personne n'a envie de se cacher et tout le monde cherche le collier aux yeux de tous. Voilà. Et si je dis pas de conneries, ils vont un peu chercher des bulots, des machins, un peu de bouffe. Je sais même pas si c'était pas après. Je sais plus. De toute façon, c'est tellement mal organisé comme épisode. Non, que... c'était après. C'était après, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient un peu safe, ils sont allés chercher de la bouffe et ils ont fait des trucs, et ceux qui étaient pas bien, ouais, ils sont allés ça, s'occuper ouais. de... Ouais. C'est après l'épreuve d'immunité, en fait. Il s'est rien... Franchement, entre le confort ouais, et l'immunité, il s'est rien passé. Non, bah si, il y a eu ça. On a vu que Clem, même Mathilde, elle l'aimait pas. Et ouais. En vrai, ça faisait quand même... Là, pour le coup, ça lançait un petit peu de suspense, tu vois. Tu disais, waouh, ok, d'accord. Alors en fait, Clémentine, évidemment, puisqu'on sait que tout le monde se cachait derrière le fameux drapeau blanc du mérite pour faire ses petites activités de manigance en soum-soum, là, tu vois, on s'est dit, ok, elle montre son vrai visage, quoi. C'est-à-dire, la meuf, en fait, elle est même prête à virer Vincent juste pour sauver Kelly, quoi. Bah, de toute façon, c'est elle la plus méritante de l'aventure. Oui, c'est vrai, ouais. Elle en est persuadée. Attends, elle était deux fois deuxième, quand même. Hein. C'est la meilleure. Plus hallucinant, vraiment, quelle connerie. Bon, donc, poursuivons. Épreuve Sébastien d'immunité. Se fait piquer. Attends, il y a Sébastien Attends. Qui se fait piquer par un scorpion. Ouais. En revenant du village, pendant la du nuit, marché ouais. de crabes, de machin. Mais non, c'est Fred, non? Non, ah, mais c'est non, c'est Seb, non, t'as raison, je me trompe. Sébastien qui se retrouve avec un scorpion coincé entre sa joue et sa capuche nuit. Ah, l'horreur. Ouais, c'est ce que je me suis dit, le pauvre. Ah, et il se fait piquer la joue par le scorpion, et il se retrouve engourdi pendant une bonne journée. Moi, j'ai déjà eu du vomi ici, mais pas de scorpion. Quand ça sèche, ça pue aussi, hein. On a Corentin qui se plaint que son binôme binôme Kelly ne cherche pas le collier alors qu'ils sont sur la sellette. Ça, on l'a vu 50 fois dans l'épisode. Ouais. Corentin oui. qui dit alors Kelly, elle est peut-être qu'à elle, je suis un peu déçu, mais parce que Corentin, c'est l'aventure unique. Je sais que c'était pas forcément le meilleur binôme pour moi à ce moment de l'aventure. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant. Oui. Non, c'est vrai, en vrai. Genre, Donc bon. Skippons à l'épreuve d'immunité, puisqu'il ne se passe vraiment rien d'intéressant. Fast forward. Où on se retrouve avec un parcours du combattant dans un premier temps, et ensuite un labyrinthe à résoudre à l'aveugle. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pas regardé. J'ai juste écouté un petit peu. À chaque fois que je regardais, je me disais, putain, qu'est-ce qu'il est con, Corentin. Et je me disais que ça devait être vraiment être rageant. Genre, je sais que Vincent, il a ragé contre Mathilde. Ouais, ouais. C'était chiant. Ouais. C'était très très chiant à regarder. C'était extrêmement chiant à regarder. Il y avait aucune, en vrai, il y avait aucune raison qu'il lui gueule dessus. Je pense qu'il c'est était stressé. Ça. Et c'est en ça. Vrai, il a été, moi, il a un peu baissé dans mon estime parce que je me suis dit, ok, c'est vraiment chaud d'être désagréable comme ça envers une ouais. personne, tu vois. À ce moment-là, il m'a déçu. Ouais, franchement, c'était chaud. Surtout, Mathilde, tu vois, c'est pas, tu vois, Kelly et Corentin qui s'engueulent, ok, tu vois. Mais ils s'engueulaient vraiment moins. Et même Clémentine, tu vois, elle aurait pu hurler sur Fred. Et on aurait dit, ouais, bon, ils sont pas super potes, elle est stressée, nana. Mais là, genre, Vincent, totalement déplacé, quand même. Genre, vraiment choquant, quoi. Vraiment choquant, sans raison, même pour faire des trucs normaux, tu vois. Genre, passe en dessous, il lui hurlait dessus. Et pas avec son ton qu'il a d'habitude, en mode, on est des guerriers, allez, tout le monde en même temps. Là, c'était en mode, ouais, putain, bouge ton cul, quoi. Bouge ton cul plus vite. Putain, alors que... Quitte à se tromper, d'ailleurs. Bon, de toute façon, c'était sûr que c'était Seb qui allait gagner, un peu. Bah oui, ils auraient pu faire J'sais la pas, différence, en fait. Tu vois, quand elle était sur ses épaules et tout, putain, il lui hurlait dessus, elle était en mode attente, enfin genre, tu sais, c'est le mec, il attend ah en bas, oui, en oui, disant j'ai vu ça, plus j'ai vite, vu, plus vite, plus vite, l'autre, elle était en train d'essayer de faire son truc, bon, évidemment, Kelly et Corentin, ils étaient un kilomètre derrière tout le monde, évidemment, eux, ils se sont emmêlés, enfin tu vois, ils ont pas compris qu'ils étaient emmêlés, ils se posaient, tu sais, on aurait dit des mecs qui essayaient de changer une route, tu sais, avec les mains sur les hanches, en train de regarder le truc, en mode, ah ouais, bah là, putain, ouais, ah, on est bien emmerdés, hein, putain, qu'est-ce t'en penses, ah ouais, attends, bah je vais m'asseoir, parce que là, je vois pas bien. Enfin, la 12 autour du mec qui creuse un trait au marteau piqueur, tu sais. Ah ouais, carrément, ouais. En train de s'essuyer le front avec le revers de la main, tu sais. Oh putain, dure journée, il est quelle heure? Oh, 10h30, oh. Allez, ouais. La binouze. C'est ça, ouais. Non, mais ouais, donc. Non, respect à tous mes ouvriers du bâtiment, ils bossent dur, les mecs. Mais bon, ouais, tu vois, donc là, c'était chiant. C'était genre l'épreuve Koh Lanta de base, mais version chiante. Version pas cool, version pourrave, quoi. Ouais, c'était vraiment pas bien. Ou du coup, on peut passer à la fin? Non, on peut parler du labyrinthe, voilà. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, bon, il y a ça. Fait, donc il y avait le labyrinthe, il fallait passer ses mains, faire des trucs au hasard. Personne n'a réfléchi, Seb a été tout le monde a secoué dans tous les sens. Seb a fait le chemin avec ses doigts, enfin genre vraiment niveau zéro, quoi, tu vois. C'est... Tous les autres, ils ont fait comme à l'épreuve où il fallait faire le memory avec la construction et qu'ils ont tout cassé au lieu de réfléchir. Ah, Vincent, il a un peu chié. Bon, après, il a quand même dit, vas-y, je laisse Mathilde, mais bon, c'était trop tard pour qu'il arrive à faire quoi que ce soit. Puis les deux autres, ils étaient tellement en retard. Je sais même pas s'ils sont arrivés au labyrinthe. Non. Ouais, voilà, tellement. Non, non, parce qu'après, à la fin, on les voit, ils sont encore bloqués. Ouais, voilà, donc bref, Seb et Claire gagnent, ce qui font que ils sont pas éliminables, alors que quand même, c'était la stratégie de Clémentine de dire, on les virera à eux, parce que c'est pas nos copains, même s'ils sont plus méritants, pour sauver Mathilde et Kelly. Elle avait dit ça, si je me souviens bien. Non, c'était pas encore trop sûr, on savait pas. Ah ouais? Mais du coup, ouais, là, ouais. C'était sûr que ça pouvait plus être le cas, quand même. Et c'est pour ça qu'après, ah, c'est oui, devenu oui, la merde, oui. Tu vois, c'était ça, quand même. Oui, c'est, non, ouais. Ouais, c'est vrai. Et là, dis, du coup, ouais, c'est là qu'elle s'est dit, merde, hein, putain, du coup, je préférerais quand même virer Mathilde, parce que je préfère Kelly, même si c'est pas juste. De toute façon, l'ordre, il s'est ouais. tellement rien passé que c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est compliqué, ouais. Y a pas eu de fait marquant, à part les épreuves, en fait, donc c'est Sauf pas... Que... Bah, la bonne nouvelle, c'est quand même que, du coup, Seb et Claire vont pas se faire éliminer ouais, complètement, à ouais. cause d'histoires de copines, quoi. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, bah là, il y a plus rien à faire à part chercher des colliers pour Corentin et Kelly, qui en plus se prennent la mauvaise excuse d'avoir été quand même naze à toutes les épreuves, qui font qu'ils peuvent même pas mettre la carte du mérite en avant, quoi. C'est-à-dire, ouais, non, ouais, je m'étonne. Ils sont pas méritants. En fait, ils sont désignés d'office et c'est normal, tu vois. Vraiment, je me suis dit, est-ce qu'il y en a qui vont commencer à se dire que quand même que Corentin à l'épreuve d'orientation, le mec, tu lui donnes une boussole, il va pas comprendre, quoi. Il va être là, il va tourner autour. Il va dire, après, oh, c'est le genre putain, de mec qui, c'est où Toulouse. C'est le genre de mec aussi qui peut aussi, tu sais, genre marcher. Ouais, et le trouver. Et puis il trouve en 10 secondes. Grave. Tu vois, il fait, oh bah il est là. Bon merde. Tellement. Oh, peut-être que je vais le reposer parce que c'était peut-être à quelqu'un d'autre. Et puis Vincent et Mathilde cherchent un peu aussi en se disant putain ça pourrait nous retomber dessus sans raison quoi. Alors en tout cas il est bien caché quand même. Je sais pas où ils l'ont mis mais il est ultra bien caché. Non mais moi, en vrai. Mais les colliers. Ouais. Mais non les gars, enfin les montres à chaque fois ils sont posés sur des troncs posés à côté des deux bûches. Mais enfin les mecs ils s'en vont chercher au milieu d'un tas de broussailles, ils s'en vont chercher sur en dessous des feuilles, des fougères et tout. Les mecs ils les mettent jamais là. Ah ouais, c'est vrai. Ils les foutent tout le temps à la haute, soit au sol caché un peu vite fait sous une racine ou un truc comme ça, soit à hauteur des yeux dans des arbres. C'est toujours comme ça. Et les mecs ils les cherchent vraiment à des endroits pas possibles. Ouais, on en parlera, mais je crois que cette saison, c'est quand même la preuve que, enfin, c'est la saison la plus inintéressante dans les colliers d'immunité, dans le sens où personne n'a joué de collier d'immunité encore. Mais oui, c'est nul. C'est vraiment les. C'est... Ça n'a pas l'intérêt. Alors qu'ils avaient dit, ouais, vous pourrez les partager et tout, ça sera la folie. Ouais, les échanger et tout, ouais. Non, mais ce qu'il faudrait, en fait, c'est qu'il y ait des colliers d'immunité que tu puisses pas utiliser sur toi-même, en fait. Ouais, grave. Et là, ça serait plus. Enfin, vu qu'apparemment, ils sont incapables de comprendre que des fois, ça peut être intéressant pour toi de sauver un pote, bah. Parce que là, en vrai, mec, tu sauves Clémentine, c'est bon, tu vas en finale. Ouais, grave. Tu dis, ok, tu feras partie du carré final. Même pas, parce que de toute façon, ouais, sauf que le truc, c'est que là, tout le monde a tellement peur que de toute façon, tu vois. Enfin, ouais, c'est bizarre, on n'y comprend rien. Bon, en tout cas, à côté de ça, Corentin sent bien qu'il va sauter, et tente un petit coup de bluff en revenant de sa petite recherche de... sa petite recherche de collier en mode je vais faire le mec tout content comme si j'avais trouvé un collier et changer d'humeur. Mais il chante femme des années 80. Oh là là. C'était ridicule. Il connaît pas les paroles donc il est juste femme des années 80. Alors que c'est quand même pas possible de pas connaître femme jusqu'au bout des seins, tu vois. Enfin je veux dire, ouais. Moi quand j'avais 8 ans, je la connaissais en mode oh putain, une chanson qui parle de seins. Non, mais c'est vrai. Mais lui, il vient de la campagne, il appelle ça des mamelles. Quel cutéreux, putain. Je revois son portrait où il fait ses bottes d'ail avec sa grand-mère. Ouais, cutéreux, le techno. Et puis sa grand-mère qui est ultra désagréable, tu vois. Ah ouais, vas-y, jette ça dans le caisse, là. Allez, dépêche-toi, là. Ouais, avec un accent du sud-ouest, quand même, bien vénère. Ah ouais. Ok, et du coup, après... Après, conseil. Ouais. Ça se passe rien, ouais. Non, mais c'est vide. Il y a Vincent qui fait une bonne blague sur le collier d'immaturité. Ça m'a fait rire, ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais, pas mal. Ouais. Et c'est rien, non, c'est tout, ouais. Conseil. Et après, conseil. Qui entraînera conseil la chute. Nul. Et conseil. En plus, attends, c'était quoi le vote noir? Il y a eu un vote pour Kelly. Et surtout, c'était pas clair. En fait, le problème de ce truc-là aussi, c'est qu'ils ont rien expliqué. Par exemple, ils ont pas expliqué ce qui se passait si le duo, il utilisait un collier d'immunité. Est-ce que ça protégeait les deux ou pas? Ouais, voilà. Moi, je me suis dit, on a pas compris. Exactement. Genre, est-ce que c'était les votes, ils étaient pas pour les binômes, ils étaient pour une personne. Ouais, mais s'il y a eu un binôme qui avait eu 5 votes, mais réparti en 3-2, et un mec qui avait 4 votes, c'est le mec qui avait 4 votes et pas le binôme qui avait 5 votes qui parlait. C'était pas clair, mais du tout, c'était pas expliqué. Moi, c'était alors. Nul. Ouais. Moi, je me suis dit la même chose et je me suis dit, mais bon, je sais pas si c'est vrai. Je me suis dit qu'ils avaient gardé les règles un peu floues pour pouvoir bidouiller comme ils voulaient, tu vois. Mais oui, sûrement, ouais. Il y a moyen. En fait, j'imagine pas que des mecs soient capables de dire « Ok, bah on va voter » sans avoir compris tout ça, tu vois. Et je vois pas dans quel monde ils pensent que c'est normal de pas nous expliquer quelles sont ces règles, tu vois. Enfin, ça fait plusieurs fois dans cette saison, hein, d'ailleurs, qu'il y a plein de moments un peu bizarres où on comprend pas trop ce qui se passe. Enfin, tu vois, par exemple, l'histoire des éliminations, tu sais, des boules noires pour les femmes et les hommes, qui est arrivée comme ça d'un coup sans qu'ils nous l'aient expliqué. Tu vois, c'est trop bizarre. Ouais, qui a changé, ouais. C'est trop bizarre. Un peu pour avant. Franchement, c'est pas du... Enfin, genre, leur dire les règles, c'est important, mais nous les dire, ça l'est encore plus. Bah oui. Bon, et du coup, si je me souviens bien, c'est Kelly qui se prend une avalanche de votes, quoi. Ouais. Corentin quelques-uns, il me semble. Ouais, mais quand même plus Kelly. C'est Kelly, elle s'en prend. C'est Kelly qui fait tomber Corentin. Non. Ouais. C'est sûr que c'est pas Corentin qui non, fait tomber Kelly. Non, c'est Corentin qui emmène Kelly. C'est ça. À cause ouais, du vote vrai. Noir de Clem qui fout la merde. Parce que du coup, elle se retrouve à avoir plus de votes en fait. Bon, ça, je trouve ça normal que Corentin il prenne plus de votes que Kelly. Ouais, je sais pas. Enfin, on s'en fout. Ouais, bref, on s'en fout. Mais c'est normal que c'est elle qui porte, quoi. Ce que j'ai trouvé qui était pas normal, c'est que du coup, on a dit. Ouais, Kelly, désolé, mais c'est à cause de Corentin que tu tombes. Alors que la meuf, elle avait le même nombre de votes, moins oui, non, c'est clair. C'était vraiment pourri. Et puis elle était en mode, bah c'est vrai que si j'avais pas été avec Corentin, je me serais pas fait éliminer. Bah non, mais celui qui aurait été avec toi, peut-être qu'il serait fait éliminer à cause de toi, en fait, parce que... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment présomptueux et pourrave de faire genre... j'aurais sûrement pu continuer plus longtemps si j'avais pas été avec Corentin, alors que Corentin, ça aurait été pareil s'il avait pas... Enfin, toi, Corentin et Clem, ils seraient restés jusqu'au bout, quoi. Ouais, après, elle avait accepté le fait de partir, donc écoute, c'était... Elle a pris la porte. Ouais, mais c'est ça que j'ai pas aimé du coup, tu vois. Enfin, c'est vraiment Corentin. Ouais, je comprends. Corentin, il s'est un peu fait niquer quand même, tu vois. Même si elle s'est fait niquer de tomber à Corentin, mais tu vois, bon, ouais. Bah, c'était dans les deux sens. C'était vraiment c'était la pire association qui pouvait chacun avoir. Ouais, c'est ça. Mais tant mieux, en vrai. En vrai, tant mieux. Parce que, tu vois, bon. Ouais, ça a évité un truc compliqué. Ouais, franchement, je préfère ça que, tu vois, un Seb qui part à cause de Kelly ou l'inverse, quoi. Ouais, ou une Mathilde qui doit partir, ou un truc comme ça, ouais. Ou Claire qui part, voilà. Enfin, ouais, c'était vraiment parfait. Parfaitement chiant, du coup. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé globalement? Je pense que tout le monde a un peu une bonne idée, mais... Putain, qu'est-ce que c'était chiant! Emmerdé, c'était naze! Nul. Ouais, c'est le pire épisode de la saison, là, pour le... C'est le pire épisode de la saison, ouais, je pense. Ouais. C'est-à-dire, je ne me souviens... Pourtant, je l'ai regardé, et je ne me souviens même pas l'avoir regardé. Donc vraiment, c'était... Ouais, c'était tellement chiant, j'ai pas pris de notes, tu vois. J'ai joué en même temps, quoi. C'était ouais, voilà, c'était... pareil. Moi, d'habitude, je regarde dans mon lit en faisant rien d'autre et tout ça. J'ai mis en 1.25 en termes de vitesse parce que j'en pouvais plus. Et j'ai joué en même temps parce que vraiment, je m'ennuyais, quoi. C'était chiant. C'est ça. C'est chaud, je pense hein. Parce que ça se résume à ça. Oui, c'est terrible. Là, je suis impatient qu'il y ait la finale parce qu'au moins, la finale, il y a un genre de format qui fait que ça marche, tu vois. Genre, l'épreuve d'orientation, c'est cool à regarder et tout ça, mais. Ouais. Je trouve que rien n'est... Enfin, même, tu vois, la recherche des colliers était mal... Enfin, ouais. C'est mal filmé, tu vois, je sais pas comment ils se sont pris, mais d'habitude, il y a toujours ce truc marrant, tu sais, ah ouais, il est à côté, il le trouve pas et tout, mais non, il se passe rien. Non, puis surtout, on a rien. Il y a même pas de suspense. Enfin, en vrai, franchement, je sais pas... Enfin, je veux dire, ils auraient pu nous faire vraiment grave croire que Corentin, il l'avait trouvé, tu vois. Plutôt que de nous montrer les trucs en mode, regardez, Corentin fait semblant qu'il l'a... Enfin, tu vois, c'était bizarre, mais ça se voyait qu'il tournait ça comme si c'était faux, je sais pas, c'était chelou. J'ai trouvé ça pourri, en vrai. Enfin, il n'y avait aucun suspense. Ouais. En vrai, ils auraient pu donner le collier à Corentin, en fait. Enfin, voilà, faut le dire. Au moins faire un truc, tu vois, comme ils ont donné la chèvre mais à l'autre. Ils avaient intérêt à ce qu'ils partent, tu vois. Ouais, ils avaient intérêt à ce qu'ils partent. Mais du coup, nous, à la fois oui et non, tu vois. Parce que là, en vrai, toujours pas de retournement de situation complètement dingue. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je me suis dit, en fait, c'était le bon moment pour virer Clémentine et Fred. En vrai. Ouais, de la part des autres. Parce qu'ils gardaient Corentin et Kelly, qui sont beaucoup moins forts et beaucoup plus neuneux sur les épreuves. Et stratégiquement, c'était bien meilleure idée que de virer deux mecs nuls pour avoir six mecs qui sont forts, tu vois, sur les épreuves. Ouais, mais l'histoire de mérite, ça arrange la majorité des gens qui sont là, tu vois. Donc, mais ça, c'est de la bullshit, ça. Oui, pour le moment, bah là, la prochaine, on verra comment ça sera pour la finale, mais. Mais pour le moment, ça arrangeait tout le monde. Tu vois, que Corentin il parte, tout le monde, personne n'en avait rien à foutre. Non, tu vois, ça arrange tout le monde. Hein. Donc, ils ont laissé faire. En fait, je me demande comment la prod a réagi en fait, à Clem. En fait. Tu vois, justement, vu qu'on dit qu'ils essaient de modifier des trucs, tu vois, ils auraient pu ne pas faire Tej. Je sais pas, on dirait qu'il y a un mec qui s'est fait virer entre cette. Enfin, je veux dire, depuis quand. Enfin, tu sais, on dirait qu'il y a un nouveau mec qui est arrivé qui a dit non, attendez. Vous allez pas me faire croire que vous êtes en train de bidouiller les trucs en coulisses pour que l'émission soit le plus intéressante à regarder. Quoi? Vous montez? Oh là là, mais c'est un scandale! Enfin, tu vois, genre, évidemment qu'il faut, enfin, je veux dire, je trouve ça bizarre, tu vois. Là, vraiment, il se passe rien qui est un peu shady, mais on s'en fout parce que ça relance le truc, tu vois. Tiens, l'année dernière, il y avait des mecs, enfin, tu vois, l'autre, il a ramené un cochon, non, c'était quoi? Une chèvre ou je sais plus quoi? Celui qui était parti faire l'ermite et tout. Là, il y a plus rien de tout ça. Franchement, on en est à regretter les engueulades entre Yves et Kelly, tu vois. Moi, le problème, c'est que j'ai plus d'affection pour les candidats, en fait. On n'apprend rien sur eux. Enfin, je me sens proche d'aucun d'eux. Il y en a, tu vois, je connais pas, on connaît pas le nom de leur enfant, leur âge, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, on connaît rien. Je veux dire, on sait rien, ils parlent pas, on n'a rien appris sur eux, quoi. Ouais, Vincent, on connaît leur portrait. Vincent, on sait qu'il est rugbyman et il a une fille. C'est tout. Ouais, c'est vraiment nul. Pas content, on en a gros. Ouais. Grave. Et du coup, ouverture sur l'épisode suivant. Je me souviens même plus ce qu'on voit. Ils disent, oh là là, ça va chauffer, il y a un moment, ils disent, ah, serpent, serpent, et on voit qu'ils tuent un serpent. Et bah, ils disent que, genre, ils essaient de faire croire qu'il y a des, il y a des stratégies qui vont se monter, on voit Claire qui pleure, et puis c'est tout, voilà. Je pense que ça va être pareil. Ouais, franchement, il y a des chances. Ouais, bah, du coup, on avait prédit une fin peu mouvementée et assez chiante. J'ai l'impression que ça se réalise. On a eu un peu une exception la semaine dernière. Ouais, non, mais là, ça va être vivement la finale. C'est vraiment. Merguez, hein, franchement, c'est nul. Enfin, je sais pas, il y a plus de survie en fait, il se passe rien sur le coup. Enfin, ouais, il y a Claire qui a bougé trois bourrondins et ils sont allés faire de la pêche, mais il se passe rien quoi. Si, il y a Fred qui a mangé un poisson en entier parce qu'ils ont dit allez Fred, t'es gentil, mange tout le poisson. Quoi. Ouais, voilà. Bon, je sais pas si c'est la peine d'en parler plus longtemps. Non, non, voilà, c'est ça. Non, on va tout de suite passer à la rubrique People. La rubrique People, puisque la semaine dernière, si vous nous avez écouté, Louis a totalement raté son imitation de Benoît, le gagnant de l'épisode de l'édition précédente. Eh bien, comme il nous l'a promis, il doit nous refaire cette imitation correctement cette semaine. Louis, c'est à toi. Je suis terrorisé maintenant. Alors attends, Écoute, hein, t'as le choix, t'as du poulet, du foot... Ah, c'est ça. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Benoît, je suis... Ah putain, attends, je l'avais un peu tout à l'heure. C'est horrible. Bon, on coupera le début et on mettra juste l'imitation ratée à la fin, ok? Allez. Salut à tous, je suis Benoît de Koh-Lanta 2016. Alors, aujourd'hui, je suis amoureux de Gesta. Non, comment il fait? Il fait comment il dit les A? Gesta, Koh-Lanta... Ah, je sais plus, putain! C'est nul! Vas-y, assume! Assume les défauts, c'est pas grave, faut y aller! J'ai rencontré Koh-Lanta, alors j'ai fait, j'ai trouvé le collier d'or, non, l'anneau d'or, j'étais très content, et aujourd'hui, je vis à Toulouse avec Gesta, et j'adore le foot et le poulet. Ah oui, dis-les, j'adore le poulet. Ah, on est là. Ah, Benoît! Alors, on comprend rien à ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube, mais aujourd'hui, on va se faire une dégustation de petits gâteaux roses. Je suis très sportif. Oh, trop de pression. Oh, trop de pression, ouais, trop de pression, pas assez bien. De bière. Ah bah non, t'es nul à chier, ouais. Tout à l'heure, je me suis un peu entraîné et peut-être te lancer dans la politique comme Gérald Dahan. Hein, On a trouvé le nouveau Didier Gustin. Ah, j'aurais dû enregistrer tout à l'heure et on aurait fait semblant que c'était moi qui parlais maintenant, tu vois. Bon, c'est pas grave. On va passer à une nouvelle chronique. Une chronique qui arrive pour clôturer un peu la saison. Ouais. C'est les paris sportifs. PMU, pariez sur vous. Alors, on va faire un pari aujourd'hui, dans ce 11e épisode de Koh-Lanta, sur la finale et le vainqueur de Koh-Lanta. Et on verra qui a le bon pronostic. Lucas. Alors, moi, je pense que Sébastien va gagner. Pas d'argumentaire. En fait, je pense que déjà, j'ai envie qu'il gagne, en fait. Mais là, je sais pas, mais là, je l'ai trouvé, en fait, lui et Claire, je les ai trouvés impressionnants dans cette session. Je pense que c'est le genre de mec qui a... Enfin, vu qu'il fait de l'escalade, il s'y connaîtra un petit peu, je pense, en orientation. Et donc, du coup, il sera pas paumé à un moment d'orientation. Et je pense qu'il peut bien s'en sortir à l'orientation. Et les poteaux, ça le fera. Et c'est quelqu'un qui est bien aimé de tous. Donc, je pense que ça peut le faire. Maintenant, la question, c'est faut pas qu'il sorte au prochain épisode, c'est tout. Mais moi, je pense que ça sera Sébastien. Voilà pour moi. Louis. Alors, si je dis Sébastien, c'est pas très intéressant. Donc, du coup, même si, objectivement, j'aimerais bien qu'il gagne. Et moi, je dis Mathilde, tu vois. Parce que... Ah, j'avais dit Mathilde il y a quelques épisodes. Moi, je sens le truc de... Elle va rester sur les poteaux pendant des heures, tu vois. Et du coup, je me dis Mathilde, ouais, Mathilde, tu vois. Genre, il y aura peut-être une épreuve où il faudra nager la semaine prochaine et elle va choper une immunité et ça va aller, tu vois. Moi, donc je me dis Mathilde, ça peut être intéressant que ce soit Mathilde. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on regarde les stats, mais il me semble qu'il y a quasiment, peut-être même plus de femmes qui ont gagné Koh-Lanta que d'hommes, en fait. Parce que moi, les gagnants dont je me souviens, c'est Clémence, Jade... Enfin, toutes les meufs, en fait. Peut-être dû aux stratégies d'éliminer les hommes dès le début pour qu'il y ait moins de mecs forts aussi. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est juste, je sais pas. Non, non, c'est après, pas enfin, je... Moi, je verrais bien Claire. Ah ouais. Je vous avais dit il y a quelques épisodes Mathilde, parce que je vois bien Mathilde gagner quand même. Mais ouais, je verrais bien Claire, parce que bah là, on voit sur les épreuves en individuel, c'est une putain de battante, même avec son dos pété en deux, le dos qui a touché son nez, comme t'avais dit hier, qui a touché sa nuque. Elle a pas lâché le bout, et vu qu'elle a fait les stages d'aventurier et tout, de survivaliste et tout, l'orientation et tout, ça devrait être super simple pour elle. Donc je la vois bien aller jusqu'au poteau et pourquoi pas gagner. Ouais. Je me dis, même si elle a mal, tu vois, sur les poteaux, même si elle en chie, elle pourrait avoir le mental de rester dessus. Ouais, il y a moyen, c'est vrai. Alors on en a pas parlé, mais il y a quand même, moi, je vois aussi Clémentine gagner au final. Oui, bah c'est une possibilité, j'aimerais que ça ne se produise pas. On veut pas en parler. Non, non. Ça serait quand même incroyable si la meuf qui est détestée de tout le monde, genre tout le monde la hait. Je pense qu'elle va recevoir des colis, c'est la prochaine cible des indépendantistes corses. Hein. Après le mec avec les cheveux rouges des clips de PNL. Les indépendantistes de Savoie. Est-ce qu'il y en a? Ouais, il y en a. Ouais, ça existe. Ouais. Ouais, ouais, en Savoie, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a des mecs qui sont Savoie libre, ouais. Ils vont lui envoyer des bombes pour lui dire, mais casse-toi de chez nous, pas de toi. C'est plus en Isère et dans ce genre de coin, tu vois, il me semble. Isère, le terre-terre de Kirby 54. Ah. Si tu nous écoutes, 0% de non, chance. Non, je pense pas. Mais il comprendrait pas. Allez, on va passer au tweet. Allez. Yes. C'est parti. Musique bizarre. Alors, est-ce que je peux commencer? Ouais. Vas-y. Parce que je n'en ai pas. Pas mal. On a dit, quand on n'en a pas, on prend le dernier. Ah, rigolo. En fait, j'en avais un. Et puis, j'ai fait la même erreur que toi, Louis, parce que j'ai pris le même que toi la semaine dernière, qui disait Clémentine a gagné l'épreuve de confort. Du coup, quand elle va revenir, elle va pas bouffer sur le camp, sauf qu'elle n'avait rien gagné du tout. Ah ouais, putain. Et j'ai repris exactement le même. Et là... Le dernier tweet, il y a 5 minutes, au sujet de Koh-Lanta, hashtag replay, hashtag Koh-Lanta, c'est Tatiana, at MacBernick, qui enchanté. Nous dit, putain, mais Clémentine, pourquoi elle a un gros crâne comme ça? Je peux pas me la voir, c'est ouf! Avec un smiley qui pleure. Voilà. Voilà. La meuf, tu sais, il y avait des mecs qui faisaient l'étude des bosses du crâne, là. Je crois que c'est la sophrologie. Au 18e, il y aurait dit que c'était une fille de Satan et il l'aurait brûlé direct. Hein. Bon, Louis, vas-y, tu peux enchaîner si tu veux. Alors, moi, j'ai des tweets un peu marrants. Alors, j'ai Dumb Height qui dit. Ah non, alors, ce qui est rigolo, c'est son hâte parce que c'est Saras la maudite qui dit Koh-Lanta, c'est le patrimoine culturel de la France. Et ça m'a fait marrer. Alors, ouais, je suis assez d'accord, moi. Enfin, pour des gens de notre âge, je pense que ça l'est. Alors après, j'en ai un autre qui m'a fait rire parce que ça s'applique vraiment à nous. C'est, enfin, les gens découvrent seulement en 2017 que Denis Brognard ne fait que répéter. Ah! Alors que le mec présente Koh-Lanta depuis 2002. Et nous, bah, ça marche toujours avec nous, quoi, ce. Ah! Bah ah, oui, mais nous, en fait, on le découvre pas. Parle, c'est voilà. Ça. Mais voilà. C'est, on ne le découvre pas. Ça fait des années qu'on connaît ce truc. Sauf que bah ça marche. Et je pense que ça autant. A été popularisé par, il faut le dire, cette magnifique poupe lol pipi caca lol judge que personne ne connaît et je ne sais pas comment c'est arrivé il y a quelques semaines. Ouais, dans le truc mainstream. C'est ça. Je pense que c'est un youtubeur genre Squeezie ou Vodka qui a dû ou Amixem qui a dû mettre ça dans une de ses vidéos et c'est devenu un truc de fou. C'est vrai? Bah je connais si Squeezie oui mais les Vodka. Autres pas du tout. Non pas du tout. C'est vrai? Bon, ouais. Bref. Vous pouvez arrêter de m'interrompre pendant mes tweets, s'il vous plaît? Ouais, vas-y. Alors, j'en ai un autre qui lance un débat, là. J'espère que vous êtes prêts. Alors, attends, non. J'en ai un facile avant, c'est BVD King ou Bad King, je pense, mais il m'est levé à l'envers pour faire le mec style internet. J'aurais aimé que Corentin soit dans l'équipe de Clémentine pour voir si elle aurait parlé toujours de mérite. Hein? Connasse. Bon, et enfin. Non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'était pas dans le tweet. Okay. Et enfin, Mediamaton qui dit mauvais casting pour Koh-Lanta 2017. Ada, Clémentine, Yves, Kelly, la télé-réalité a pris le pas sur l'aventure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je l'ai vu, je me suis dit... Je suis pas Est-ce que quand même ils ont pas fait un casting trop de connards, tu vois? Ada, je sais pas s'ils pouvaient le pressentir, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ada, que t'es pourri? Elle a pété un cap pour rien, moi, ça. C'est une fouteuse de merde. Kelly, elle était chiante aussi. Dès que tu fais pas ce qu'elle veut, elle hurle. Clémentine, n'en parlons pas. Et Yves, pareil. C'est pas mauvais casting dans le sens ils ont fait exprès. Mais c'est vraiment ce qui se passe maintenant, tu vois. Moi, c'est un peu. Ils sont plantés, ouais. Franchement, là, c'était que ça. Là, c'était que des engueulades, de la stratégie chiante, pas intéressante, tu vois. Et pas d'aventure, quoi. Pas de survie, rien. Voilà, j'ai fini. Ah, ça, c'est sûr qu'ils nous ont pas trouvé des survivants. Ils ont peut-être épuisé le stock de candidats cool, quoi. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on entend des mecs dire hey, « J'ai essayé pendant 20 ans d'aller à Koh-Lanta et ils m'ont enfin accepté, tu vois. » C'est vrai, ouais. Il y a une raison pourquoi ils l'ont refusé pendant 20 ans, quoi. Et il serait temps qu'on s'inscrive. Quand j'aurai des abdos. Non, mais sinon, t'y vas et c'est bon. Quand tu repars... Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, article de Yesta... Ah oui, Yesta, elle en a parlé. Ouais. Bah, vas-y, elle a dit que ça devait faire dans son corps. Ouais. Elle a dit Koh-Lanta a détruit ma silhouette à jamais. Ah ouais, pire qu'un accouchement, quoi. Non, en gros, elle a maigri de ouf et après elle a regrossi de ouf, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle est plus grosse entre énormes guillemets qu'elle était avant. Enfin, surtout, elle savait pas trop quel article faire et envoyer en communiqué de presse, donc elle a fait. Ouais, ça. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Voilà, trois vergetures, elle en peut plus, quoi. Bon, c'est un peu nul. À moi? Ouais. Ça me fait. Alors, je sais pas pourquoi tu parles de vergeture, ça me fait penser à une. Ça va être horrible. Dans le de transition, à une histoire de David Mourier que j'ai entendu, paix à son âme, dans l'apéro du Capitaine où il parlait d'une histoire d'hémorroïdes, je vous la conseille. Ah bah, oui, rapport total. Ça m'a fait penser à ça. Alors, le premier que j'ai, c'est Freddy, donc Koh-Lanta de la précédente émission, qui dit pour information, un collier d'immunité n'est pas un totem d'immunité, le vote est possible, mais personne n'y pense. Bah oui. Et donc du coup, Freddy, tel un insoumis, propose un vote blanc dans une situation pareille. Et c'est vrai que ça serait intéressant et personne n'y pense parce que ils sont tous stupides. Tu veux dire de voter contre Clem en disant même si t'as ton immunité. Ouais, contre Claire ou Seb en disant attention même, à vaincu, quoi. Ou même voilà, ouais, déjà soit pour le faire sauter, soit juste pour dire je sais que tu le sors et c'est un moyen de pas voter pour un de mes potes par exemple. Ouais, tu vois. Ensuite, nous avons Ed. Qui nous dit, alors elle poste le lien d'un article qui nous dit Koh-Lanta, deux points, Clémentine se sent entre guillemets détestée par toute la France. Elle nous dit, MDR, ce n'est pas qu'une expression, c'est pas qu'une impression. Donc ouais, c'est la vérité, tout le monde la déteste. Et d'ailleurs, en ouvrant Twitter tout à l'heure, j'ai vu que des trucs qui l'insultaient. Ouais, moi aussi. Mon dernier truc, c'est un tweet de Denis Brenard qui nous dit, les amis, au moment où vous regardez Koh-Lanta, je pars pour le tournage d'une épreuve d'immunité de la prochaine saison au Fidji, des bises. Et voilà. Donc Denis Brenard qui nous dit en gros, t'es dans ta jalousie, je suis dans mes îles Fidji. Exactement, ouais. Totalement. Voilà. Tiens, j'y pense. Alors moi, j'ai vu un truc, je pense qu'on va parler de la même chose. Est-ce qu'on aurait-il pas un petit jeu à boire? Ah non, alors non. Bah, j'ai arrêté de boire, moi. Bah, et moi aussi. Moi, ça va. Non, j'en ai pas. Mais en fait, le problème, c'est que j'oublie toujours ceux de la saison, ceux de l'émission précédente. Donc, il faudrait que je le note. Alors, moi, J'ai un truc, mais comment ça pourrait marcher? On pourrait utiliser les pronos qu'on a fait aujourd'hui, tu vois. À chaque fois qu'on se dit qu'on se fait chier, on boit un coup. C'est là, Koh-Lanta a ruiné ma silhouette comme Yesta. Ah, j'en ai un. C'est nul, je crois. Vas-y, on s'en fout. À chaque fois que Clem rage contre l'un des candidats qu'on a pressenti pour gagner, on boit. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Non, moi je dirais plutôt quand il y a un candidat qui dit j'ai peur pour mon cul. Ok, ça marche aussi. Ah, pas mal ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Parce que là, du coup, ça va charger là. Là, ça va, ouais, là ça va être chaud. Ouais. Eh ben, écoutez, je vous propose de passer au conseil. Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Allez. Alors, qu'est-ce qui nous a préparé un petit truc, là? Moi, j'en ai un. Moi aussi. Comment celui-là? Moi, du coup, je vais vous proposer une reco. Et la reco, c'est l'album Avant de Jordi. Donc, c'est écrit J-O-2-R-D-2-E. Qui est un rappeur et anciennement producteur qui vient de Lyon. Bah oui, on le connaît, on se souvient tous de Jordi. de Jordi, dur d'être un bébé. Trop facile. Non, c'est complètement ça, c'est assez différent. C'est assez chelou, hein, je vais pas vous le cacher, c'est un mec qui a l'air vraiment de planer puissance 10 000. Il fait de la musique assez bizarre, il avait déjà fait un album qui était sorti, je crois, en 2016, qui s'appelait Bonjour Salope, que j'avais écouté et que j'avais, où je m'étais dit, mais ouais, je suis pas prêt, quoi. J'étais pas prêt pour ça, c'était trop bizarre pour moi. Et là, j'ai vu l'album passer, il y avait une petite pochette orange, et je me suis écouté ça, et en fait, ça fait vraiment un mois que j'écoute que ça. Les productions sont assurées par Faz, qui est un pote à lui, et qui est un producteur lyonnais, mais qui fait pas du tout de rap à la base, en fait. Il fait plus genre de l'espèce d'électro-trap, enfin des trucs un peu chiants, mais bon, voilà, qui marchent. Et ensemble, ça fait une super combinaison, parce qu'il y a un espèce de truc genre dancehall, reggaeton, mais triste. Et par-dessus lui, il a une voix en fait très nasillarde, et il pose des sur cette espèce de nappe avec des rythmes un peu reggaeton ou rap, il pose des trucs on comprend pas toujours où il veut en venir, mais ça, il y a un putain de sentiment de mélancolie à chaque fois. Et il y a des morceaux vraiment qui sont des claques, genre il y a Comme un Belge qui est une grosse claque, et California que j'écoute là en boucle depuis un mois, vraiment qui tue. Voilà pour moi. Louis. Pas mal. Alors moi j'ai moi c'est je c'est oula putain. moi je c'est un en fait je cherche à dire c'est je veux voter contre un truc, voilà. C'est une contre-reco, c'est un vrai conseil, c'est un coup de gueule. C'est l'appareil photo de Franck ce week-end qui n'a pas sauvegardé sa photo avec Kirby 54. Non, celle-là je l'ai. C'est celle avec David Lafarge. Voilà, mon héros, mon petit protégé, mon petit chéri. Et du coup, je peux vous reco David Lafarge. Mais normalement, vous devez connaître. Pour ceux qui connaissent moi, c'est un mec qui fait des vidéos sur les cartes Pokémon sur YouTube. Et pour les enfants, hein. Mais c'est trop bien. Il y en a une ou deux qui sont complètement incroyables. Et si je peux vous en conseiller, cherchez Impossible. Et vous allez trouver deux vidéos de 20 minutes qui sont vraiment, vraiment impossibles, quoi. Genre... le mec détruit toutes les probabilités et se fait surnommer à la fin David la chance. Ouais, c'est trop bien. Franchement, allez regarder une vidéo, c'est marrant. Et voilà, Franck l'a rencontré, a fait une photo avec lui et sa copine Miss Jirachi. Et malheureusement, ça s'est pas sauvegardé. Ouais. Et Franck, t'as quand même fait un coup de bluff qui a été encore mieux que celui de Corentin, quoi. Alors, je lui ai fait croire que je l'aimais. Alors que je le déteste. Ouais, je l'aime bien. Moi. Surtout, j'étais le seul mec qui faisait... au-dessus de 12 ans. Voilà, au-dessus de 12 ans. Et du coup, au-dessus d'1m60. Donc, je voyais tout le monde dans la file. Lui, il est pas très grand. Débile, hein. Enfin, surtout qu'après, j'ai été voir l'autre Kirby 54. Kirby, donc, ouais, forcément, ouais. Je les ai enchaînés. Les lui, il cumule. Alors, moi, je vais vous laisser le choix. Soit vous choisissez mon avis sur l'annonce d'un nouveau produit, soit vous choisissez mon avis sur un produit que j'ai testé cette semaine. Ouais, j'ai rien compris. Enfin, si, mais moi, je veux l'avis avec des exemples d'utilisation. Ouais. Ça va forcément être plus drôle. Ouais, carrément. Moi, je suis d'accord. Eh bien, non, ça ne va pas être plus drôle, puisqu'il s'agit d'un jeu. Bon, bah alors, on change. Il s'agit de Lawbreakers. Que j'ai pu tester sur quelques parties cette semaine. Alors, Lawbreakers, qu'est-ce que c'est rapidement ? C'est un FPS, un arena shooter, donc c'est du multijoueur avec... bon, là, ils ont rajouté donc des personnages avec des skills différents. C'est fait par Cliff Guy, le mec qui a notamment beaucoup œuvré à la création d'Unreal Tournament. Bref, on s'en fout. C'est du multi, il faut capturer un truc au centre de la map, le ramener dans son camp et attendre pour valider les points. Et voilà, ça se résume à ça, ce qui fait que c'est extrêmement chiant comme mode de jeu. Et totalement, les maps sont pas vraiment équilibrées, ce qui fait qu'il y a tout le temps un côté qui l'emporte par rapport à l'autre. Et mais, ce qui est quand même agréable, c'est que niveau personnage, niveau jeu, vraiment sensation de jeu, il y a des trucs qui sont vraiment ultra stylés. Il y a des trucs très très nuls, hein. Il y a des trucs très très stylés, surtout sur les caméras, les armes, les pouvoirs, tous ces trucs-là, il y a des trucs vraiment bien. Genre, il y a un personnage qui, quand tu mets, tu peux voler avec, tu vois, comme un peu tu veux, avec son jetpack, et quand tu tournes, la caméra rotate, tu vois, mais vraiment, elle se tourne à 40, elle se penche sur les côtés, quoi. Elle penche vraiment avec l'inclinaison de ton joystick ou de ta souris, c'est ça. Et ça, c'est vraiment trop, trop stylé. Et ils ont réussi à créer comme ça, sur plusieurs personnages, des super feelings comme ça. Et je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des bonnes sensations là-dessus, mais tout ce qui est mode et map, je trouve ça vraiment nul et déséquilibré. Donc à voir, mais pour l'instant c'est plutôt du négatif. C'est en bêta en ce moment ou c'est ouais. Ok. Ah bah ça va s'améliorer. Ah bah j'espère, ouais. Franchement, s'ils ont les 3C, c'est le plus important. Ouais, alors personne va comprendre ce qu'on dit. Ouais, c'est pas grave. Si c'est rigolo à jouer, c'est bien, voilà. Eh ben écoutez, c'était pas mal. J'aime bien parce que je pense qu'à tous les épisodes j'ai dit ça. Ouais, t'as dit ça, ouais. On n'a pas duré trop longtemps. Tu devrais essayer, vous étiez nuls, putain. C'est clair, c'était non, de la merde, ce podcast. Franchement, c'est quand même une performance d'avoir réussi à parler aussi longtemps sur un épisode aussi vide. Je crois que je le dis à chaque fois aussi. Est-ce que c'est vraiment une performance ou est-ce que non, c'est voilà. Ce qu'on prend 15 ans en fait. Vous, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur Twitter @crolantapodcast et sur Facebook. Les liens sont dans la description, tant pis. Allez, je vais pas mettre ce. On adore le tissu. Voilà, on vous mettra aussi les recos. Y a pas de souci. Et puis un petit mot pour la fin. Ah ouais, il y avait un petit truc, c'était. Ah ouais, voilà. Attends vos paris. Ah mais oui, bien sûr. Faites-nous savoir vos paris, vos idées sur le gagnant de Koh-Lanta. Et on va tenir un petit Excel avec tous les paris et puis bah celui qui gagne il aura la fame. C'est ça. On va renommer le SoundCloud avec son nom. Non, on rigole. La fausse bonne idée. Et ouais, c'est ça. Pas de problème. Bah ouais, moi voilà. Il sera vainqueur de Koh-Lanta comme il y a un vainqueur de Koh-Lanta. Ah ouais, pas mal. On pourra le mettre dans son CV. Pas mal. Est-ce qu'on déjà, moi, j'offre une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière à Denis Brognard. Ils font un tube à d'or. Pardon. J'ai honte. Oh ouais, mauvais. Nul. Dans cette équipe, il est temps d'aller dormir. Ouais. Plusieurs garçons. Allez, on vous fait à tous des très gros bisous. À la semaine prochaine. Protégeons Lorraine Cabane.